Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. En l'an de grâce 1328, le roi de France, Charles IV, meurt. Le bonhomme n'a pas de fils pour lui succéder. Comme toujours dans ces cas-là, pardonne-moi l'expression, mais ouh, ça sent bien la crotte. Philippe VI, son cousin, monte sur le trône. Mais de l'autre côté de la Manche, le roi d'Angleterre tape des pieds et des mains. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, voyons, il ne danse pas la gigue. Il est en colère. Bah oui, lui aussi veut sa part du gâteau. Les deux hommes se disputent la couronne. Évidemment, quelques années plus tard, c'est la guerre. Les Anglais débarquent en France. Ils s'emparent de la ville de Calais. Petit à petit, ils tentent de grignoter des bouts de territoire. Grand Dieu, c'est pas croyable! Notre pays ressemble-t-il à un croissant géant? Le temps passe. Près de 100 ans plus tard, on y est encore, la guerre continue. En 1418, les Français perdent la Normandie. Dans le royaume, deux clans se forment. Les Bourguignons s'allient au roi d'Angleterre, tandis que les Armagnacs soutiennent le fils du roi de France. Il s'appelle Charles, c'est le dauphin de la couronne. Oui, je sais. Oh, ça fait beaucoup d'informations, mon bichon, mais accroche-toi! 2 ans plus tard, on signe le traité de Troyes. Ou de deux? Ah non, c'est de Troyes. De Troyes comme la ville. Ce bout de parchemin est une infamie. Tout le nord du royaume est désormais sous le contrôle des Bourguignons et du roi d'Angleterre. Ce dernier est désigné comme le nouvel héritier du trône de France. Charles est furieux. On lui a volé la couronne. Il part se réfugier dans la partie sud du royaume qui est restée française. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans sur les champs de bataille. On ne compte plus les morts. Allons, allons! Ne perdons pas espoir. Dans les campagnes et dans les villes, de bouche à oreille, de chaumière en château fort, il se propage une bien étrange prophétie. Bientôt, une jeune fille défendra les gens du beau pays de France. Elle arrivera de la forêt pour aider Charles, le dauphin. Elle libérera le royaume. Ça, par exemple! Qui pourrait avoir le cœur assez vaillant pour chasser les Anglais? Elle s'appelle Dark. Jeanne d'Arc. Elle est, paraît-il, l'envoyée de Dieu. Et voici son odyssée. Au cœur d'une aventure aussi folle et grandiose que celle-ci, tu t'en doutes, il y a toujours une part de légende. Sauras-tu la retrouver au milieu de toutes mes blagues qui, je le reconnais, ouh, sentent parfois un peu le renfermé. Ou le pied. Bah, comme tu préfères. Tchou! Les hivers peuvent être rudes dans le nord-est de la France. Le 6 janvier 1412, jour approximatif de la naissance de la petite Jeanne, le vent fait tourbillonner la neige. Le ciel ressemble à de la purée de pois. Nous sommes dans le village de Domrémy. Près de l'église se trouve une jolie maison de pierre. Ici vit la famille de Jeanne. Avec ses deux petits sabots de bois, l'enfant trottine dans la campagne. Oh, ce qu'elle est robuste, endurante! Elle ne sait ni lire ni écrire et elle croit très fort en Dieu. La petite grandit. La guerre n'est jamais loin. Régulièrement, des bandes en armure pillent et menacent Domrémy. Jeanne a désormais 13 ans. C'est le mois d'août, il est midi, le soleil tape fort, l'herbe sent déjà la paille, elle se promène dans le jardin. Soudain, d'étranges lumières apparaissent, de ci, de là, partout autour d'elle. Diable ! Ça éblouit ! Quelques secondes plus tard, elle entend... Une, puis deux, puis trois voix. La petite bondit comme un cabri. Elle regarde à droite et à gauche. Personne. Elle a la frousse, ses genoux tremblent. N'aie pas peur, Jean. Reprennent les voix. Prie Dieu chaque jour et prépare-toi, car bientôt, il aura une mission pour toi. Puis, elles disparaissent. Pendant plusieurs heures, la jeune fille reste immobile, sans oser bouger. Pauvre Jeannette, se dit-elle. Es-tu en train de perdre la boule ? Cette nuit-là, elle ne ferme pas l'œil de la nuit. D'abord, elle a attrapé quelques bons coups de soleil. Et puis, elle n'arrête pas de penser à ces étranges apparitions. Une mission pour moi ? Mais pourquoi Dieu s'adresserait-il à une petite paysanne ? Aïe ! Oui, la barbe, ces coups de soleil ! Faut vraiment que je me tartine les épaules de graisse d'oie. 3 années passent. Les voix régulièrement viennent lui rendre visite. Jeanne n'a plus peur. Au contraire, elle les attend avec impatience. Avec le temps, les visions se sont transformées. Au centre des lumières sont apparus des drôles de nuages. Et derrière les nuées cotonneuses, des visages. La jeune fille a reconnu l'archange Michel, puis Sainte Catherine, et enfin Sainte Marguerite. Chaque fois, Jeanne sent bouillonner en elle une joie puissante. Elle a l'impression de devenir un arbre très ancien dont les racines vont jusqu'au centre de la terre. Avec la joie, grandit aussi la révolte. En 1428, des soldats bourguignons brûlent l'église et toutes les récoltes. Devant les flammes qui dansent et dévorent la maison de son dieu, Jeanne pleure des larmes de rage. Les scélérats ! En plus, ils ont trahi la couronne de France ! Ils ont abandonné Charles, le gentil dauphin ! Jeanne ne supporte plus la situation du royaume. Elle a raison ! Pétard ! Il y a vraiment le faux lac ! Les Anglais continuent leur progression. Ils sont sur le point de prendre Orléans. Si la ville capitule, c'est la catastrophe. Tout le sud du royaume sera entre leurs mains. C'est alors que les voix lui révèlent sa mission. Oh, entre nous, oh, c'est pas trop tôt. Jeanne, ouvre grand tes oreilles. Il est temps pour toi de rejoindre le dauphin. Prends la tête de son armée et fais-le sacré roi dans la cathédrale de Reims. Ensuite, chasse tous les Anglais hors du royaume. Mais avant toute chose, tu dois reprendre la ville d'Orléans. Allez, fille maintenant, fille de Dieu, tu dois agir, et vite. Toi seule peux arrêter les malheurs de la guerre. Jeanne est soudainement prise de panique. Eh oh, mais attendez là, c'est une blague ! Comment voulez-vous que je fasse ? Je n'ai jamais porté d'armure ni manié une épée de ma vie ! Ah puis zut, franchement ! Expliquez-moi comment je pourrais toute seule aller voir le dauphin ! Vous avez pensé aux soldats bourguignons ? Et aux Anglais ? Non, vraiment, c'est pas sérieux ! Silence, de l'autre côté de la conversation. Incroyable ! Du haut de ses 17 ans, Jeanne a réussi à sécher les voix de Dieu. Ces dernières se réunissent quelques minutes pour réfléchir. Puis, elles finissent par lui répondre. Jeanne, tu vois la forteresse de vos couleurs ? Ce n'est pas très loin, à 10 petits kilomètres plus au nord. Demande à rencontrer son capitaine, Robert de Baudricourt. Il te prêtera des gens qui te conduiront jusqu'au dauphin. Et pour le reste, ne t'en fais pas. Nous autres, au royaume des cieux, nous savons faire de petits miracles. Et puisque Dieu semble le vouloir, la jeune fille obéit. Allez, Jeannette, courage. se dit-elle en se plongeant la tête dans un seau d'eau bien fraîche, histoire de se remettre les idées en place. Puis, elle ajoute... Traduction. Je dois à tout prix rencontrer le roi de France. Dussé-je, pour cela, user mes jambes jusqu'aux genoux. Ah oui? Oh tiens, tiens. Oh ben, moi j'aurais plutôt dit les semelles, mais si c'est les jambes jusqu'aux genoux, alors c'est les jambes jusqu'aux genoux. Le lendemain, à l'aube, Jeanne prend la route. Elle a mis sa robe de toile rouge, celle qui permet de la repérer de loin. Elle doit passer par la forêt, et avec tous ces chasseurs qui tirent à l'arc sans autorisation, il ne faudrait pas qu'il la prenne pour un sanglier. Arrivée à Vaucouleurs, mauvaise surprise. Robert de Baudricourt, le pendard, le vilain personnage. Il ne la croit pas, il refuse de la voir. Oui, c'est ça. Ronchonne-t-il en réchauffant son popotin au coin du feu. Une adolescente de 17 ans qui croit qu'elle peut sauver le royaume? Encore une illuminée qui a entendu sonner les cloches d'un peu trop près. Jeanne ne se laisse pas abattre. Tant pis pour lui. Maintenant que je suis là, je reste. Elle a bien raison. Dans les ruelles de Vaucouleurs, ça frémit, ça palpite. Il se murmure qu'une jeune fille est arrivée, poussée par la volonté de Dieu pour sauver le royaume. Les habitants accourent pour la rencontrer. Ils veulent tous la voir, lui parler. Certains, malades, espèrent se faire soigner. D'autres lui font des promesses et lui jurent fidélité. Croix de bois, croix de fer, mamie, foi d'écuyer. Comptez sur moi, je vous conduirai jusqu'au dauphin de France. L'enthousiasme débordant de la ville triomphe de la ronchonnerie du capitaine. Il accepte de la rencontrer. N'empêche, l'homme se méfie. Si ça se trouve... se demande-t-il. Elle est possédée par le diable. Pour en avoir le cœur net, il décide de se faire accompagner par un exorciste. Satan, regarde ce crucifix. Et si tu te caches à l'intérieur de cet enfant, disparais! Lorsque les deux hommes se présentent à elle, Jeanne se tient droite. Les adultes, oh, si seulement ils savaient, ne lui font absolument pas peur. Avant même que Baudricourt ne prenne la parole, elle parle. Capitaine, il a été dit qu'une femme sauverait le pays. Mais oui, Jeanne, bien joué. La légende, la prophétie. Cette femme, c'est moi. À cet instant, tout bascule. Les yeux de la jeune fille brillent d'une lumière rare et intense. Son cœur pur parle à travers ses pupilles. Jeanne est bien de ce monde. Pourtant, on dirait qu'elle vient d'ailleurs. Elle est habitée par une force douce et invincible. Le capitaine est touché en plein cœur. Tout d'un coup, il comprend. C'est bien vrai? Mais oui, c'est elle. En quelques jours, Jeanne se transforme. À cette époque, les femmes n'ont pas le droit de prendre les armes. Avec l'aide des habitants de Vaucouleurs, elle trouve des vêtements d'homme, puis elle se fait couper les cheveux. Au bol, comme un chevalier. Ou, oh bah oui, un bol, hein, tout simplement. Un bol renversé, tu vois? Baudricourt lui donne un cheval, une épée et 6 hommes pour l'accompagner. 6? Seulement 6? Murmurent les habitants qui, tout d'un coup, sont extrêmement inquiets. Et si en chemin, il lui arrivait quelque chose, la petite? Ils n'ont pas tort. C'est vrai que la route est longue et dangereuse jusqu'au château de Chinon où se trouve le dauphin. Il faut traverser tout le pays, d'est en ouest. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. La petite troupe prend la route. Très vite, le temps vire à l'orage. Le vent se lève, la pluie fouette le visage. Jeanne se sent tout d'un coup aussi dure que le fer, aussi résistante que l'acier. Elle est l'envoyée de Dieu. Le temps presse. Elle a 3 missions à accomplir. Reprendre Orléans, faire sacrer le dauphin à Reims et chasser tous les Anglais hors du royaume. Va, Jeannette, va! Et advienne que pourra. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. L'aventure de Jeanne d'Arc se déroule en pleine guerre de 100 ans. Je ne sais pas toi, mais de mon côté, une question me brûle les lèvres. Cette horrible guerre qui a opposé les Français aux Anglais a-t-elle vraiment duré 100 ans? Eh bien, non. Commencée en 1337 et terminée en 1453, elle s'est déroulée sur 116 années, durant lesquelles il y a eu des pauses, des tentatives de paix et des accalmies.